ainsi, belle Iris. Ainsi, belle Iris, qui vous aime. Qui vous aime. Hélas, hélas, que pourriez-vous faire, faire? Hélas, que pourriez-vous faire à vos si vous traitez ainsi, belle Iris qui vous aime. Hélas, hélas, que pourriez-vous faire? Que pourriez, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Vos ennemis.